Bonjour, nous sommes les Kizikou, le groupe aîné de Clermont-Ferrand des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France. Cette année, nous avons pour projet d'aller à la rencontre du peuple Sami, le dernier peuple autochtone d'Europe, afin de découvrir leur culture et de mieux comprendre les enjeux environnementaux et politiques auxquels ils font face. Des enjeux comme le racisme, le colonialisme ou encore le réchauffement climatique et les concurrences territoriales entre les industries minières et forestières et l'élevage de rennes. Pour préparer notre projet, nous avons eu la chance d'échanger avec Marie Roué, directrice émérite de recherche au CNRS, spécialiste française du peuple Sami. L'équipe l'a interviewée et vous allez pouvoir profiter de cette interview en plusieurs épisodes. Bon visionnage! Donc Marie Roué, vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS. Alors, on vous a découvert parce que vous avez préfacé ce livre et Vite Sami, d'Eline Analaba. Et puis, en recherchant, on a vu que vous étiez quand même la spécialiste française des Samis. Donc, peut-être je vous laisse finir de vous présenter, peut-être. Effectivement, c'est ça. La spécificité, c'est que peut-être que je suis allée chez les Samis la première fois quand j'avais 20 ans. Et je n'ai pas cessé d'y aller et j'en ai 75. Donc... ça fait 55 ans. Enfin, j'y suis pas allée l'année dernière, mais les Samis sont venus me visiter l'année dernière. Donc, c'est une longue relation et que j'ai commencé par une anthropologie très classique, les relations sociales, les relations, la façon dont fonctionnaient les institutions dans l'élevage du renne, et que j'ai continué en élargissant à d'autres sujets, mais dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais dans une approche interdisciplinaire, c'est-à-dire que je suis au CNRS, mais dans une équipe du Muséum national d'histoire naturelle. Donc, je m'intéresse à la relation entre l'environnement et les populations. Donc, ça nécessite une connaissance et un intérêt pour l'écologie, les sciences naturelles, et pour la vie sociale et culturelle. Et je travaillais en particulier chez les éleveurs de rennes pour mon master, pour ma thèse, et ensuite, mais j'ai aussi travaillé en Suède avec des éleveurs, et plus récemment avec des Samis côtiers de Norvège, qui sont à la fois pêcheurs en mer arctique et éleveurs de moutons. Entre-temps, j'ai travaillé avec les Indiens Cris au Canada, avec les Inuits, et j'ai travaillé avec mes étudiants en France, mais disons que je suis spécialiste des peuples arctiques et des savoirs locaux, savoir sur l'environnement. Voilà. Oh, super, une belle présentation. Okay.